Amb una cançó que ens parla de música, iniciem una vegada més Hola la música amb Rafael Cordí, el vostre programa de música en francès. Avui amb Michel Verger i aquesta peça que ens acompanyarà amb els primers minuts del nostre espai. Chante-leur des mots pour émouvoir. Fais reconnaître ton pouvoir. L'est jusqu'à l'ouest et du nord jusqu'au sud. Suis ta musique où elle va. Fais-les sourire, fais-les souffrir. Mais de l'est jusqu'à l'ouest et du nord jusqu'au sud. Suis ta musique où elle va. La la la la. Música i companyia, companyia i música, en tots els nostres protagonistes que avui ens volen acompanyar. Avui serà un programa variat dels que de tant en tant us oferim per acompanyar-vos en diferents personatges, alguns dels quals ja hem escoltat amb el nostre programa. Però d'aquesta manera, aleatòriament, descobrim grans miracles. Com, per exemple, avui recordarem amb les primeres dues cançons, oferirem dues cançons a cada protagonista, dues peces de la cantant parisenca Edith Piaf, nascuda el 1915 i que ens va deixar molt jove a l'edat de 48 anys, va morir el 1963, l'ha dit Giovanna Cassion, una artista que ens acompanyarà en dues de les seves peces amb els primers minuts del nostre espai. Un garçon qui vivait simplement travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui rêvait sagement en attendant l'amour. Il y avait le printemps des romans qui passait en chantant et cherchait deux cœurs troublants pour prêter ses serments et en faire des amants. Il y a eu un moment merveilleux lorsque leurs regards se sont unis. Il y a eu ces instants délicieux où sans rien dire ils se sont compris. Il y a eu le destin qui a poussé le gamin à lui prendre la main. Il y a eu la chaleur du bonheur qui leur montait au cœur. Il y avait cette chambre meublée aux fenêtres donnant sur la cour. Il y avait ce couple qui s'aimait et leurs phrases parlaient de toujours. Il y avait le gamin qui promenait sa main dans les cheveux de l'un, de la fille aux yeux rêveurs, tandis que dans leur cœur s'installait le bonheur. Il y a eu ces deux corps éperdus de bonheur et de joie sans pareil. Il y a eu tous les rêves perdus qui remplaçaient leur nuit sans sommeil. Il y a eu le moment où soudain le printemps a repris ses serments. Il y a eu le bonheur qui s'est enfui en pleurs d'avoir brisé deux cœurs. Il y avait un garçon qui vivait simplement, travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui pleurait en songeant à son premier amour. Il y avait le destin qui marchait son chemin sans s'occuper de rien. Tant qu'il y aura des amants, il y aura des serments qui ne dureront qu'un printemps. Planté sur le trottoir, a touché son chapeau en me disant bonsoir. Et sans plus s'épater, m'a si bien regardé que je me suis sentie comme un peu caressée et beaucoup désirée. Regarde-moi toujours comme ça, j'en suis malade, ma cœur qui bat. Ça me fait pareil, je sais pas pourquoi, que la musique de l'Ave Maria a des yeux sans manière et qui regarde tout haut. Ça calme dire tout bas, très bas, regarde-moi toujours comme ça. Y a des soirs pleins d'amour et pas fait pour dormir, alors tes yeux commandent et j'aime leur obéir. Sous ton chaud regard bleu, je suis tout ensoleillé. T'as des façons à toi d'éclairer nos veillées, or qui me laisse émerveiller. Regarde-moi toujours comme ça, j'en suis malade, un cœur qui bat. Ça me fait pareil, je sais pas pourquoi, que la musique de l'Ave Maria t'as des yeux sans manière et qui regarde tout haut. T'as qu'à lever les paupières et je comprends que tu es bon. Quand je suis noyée tout bas, très bas, regarde-moi toujours comme ça. Regarde-moi toujours comme ça, aussi longtemps que tu le pourras, et tant que notre amour vivra, regarde-moi toujours. Que

l'arbre s'est habillé d'un reste de verdure. Son feuillage est tombé, découvrant ses blessures. Un soleil pâlissant jette encore sa lumière sur un oiseau errant qui fuit devant l'hiver. La colombe est tombée au premier vent du nord. Son regard s'est tourné lentement vers sa mort. Quand la colombe expire, c'est l'adieu d'un ami. C'est le dernier sourire d'un été qui s'enfuit. La colombe est tombée au premier vent du nord. Lorsque les feuilles d'automne recouvriront l'été, rassemblant tous les hommes autour des cheminées, couchés sous une pierre, bien à l'abri du vent, un oiseau solitaire dormira pour longtemps. La colombe est tombée au premier vent du nord. Son regard s'est tourné lentement vers sa mort. Quand la colombe expire, c'est l'adieu d'un ami. C'est le dernier sourire d'un été qui s'enfuit. La colombe est tombée au premier vent du nord. La Esteu escoltant Ulala Music. La propera protagonista que hem triat pel programa d'avui torna a ser una veu femenina. En aquest cas, la gran dama, que és aquesta cantautora belga, nascuda a Hasselt el 1968, Fabienne de Mal, és el seu nom real, nom artístic, Axel Red, amb Toujours, de l'àlbum French Soul del 2004 i del mateix disc El món s'està tornant dolent. És una cançó fantàstica també que ens aporta en el dia d'avui, l'Axel Red. Toujours quelque chose. temps. Un quart de siècle à peu près. Oh, je veux dire. Mais je sais ce que tu veux dire. Il y aura toujours quelque chose de toi. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi. Il y aura toujours quelque part un vide qui se remplit pas. Moi, je passerai mon temps à me dire, tu vois, ça aurait dû être toi. Il y aura toujours une nuit infinie qui me suivra. Quelque chose de toi, de nous. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire?

que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre pour nous griser, venez, venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Seguim amb l'apartat més antic de la nostra programació, Vive la Chanson. Tino Rossi ens acompanyarà també un parell de temes a l'espai d'avui de Hola la Música. Nosaltres us portem les seves cançons, la seva música des de diferents anys, perquè veieu l'evolució també de la música, de la chanson, de la música francesa. Tino Rossi amb una cançó dedicada a l'illa de Còrsega, els corsos, amb l'illa de l'amor i el cant del guardià. Tot això, ara mateix, Hola la Música, la música en francès. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. J'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. D'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour on se bat sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours.

dolça. I una altra parisenca, nascuda el 1944, una de les cantants francòfones més importants de la història, François Hardy, ens acompanyava amb aquesta i també amb aquesta cançó. Afin de lui plaire, moi je fais tout ce qu'il demande. Oui, pour lui plaire, j'obéis quand il commande. Mais je l'ai vu l'autre nuit embrasser une de mes amies. Qu'il vienne s'expliquer, est-ce donc à moi qu'il ment? Est-ce à elle qu'il dit vrai? Laquelle aime-t-il vraiment? Qu'il choisisse entre elle et moi une bonne fois. Savoir à qui il ment, qui il aime vraiment. Oui, savoir à présent. La veille pourtant, il me jurait son amour en me promettant les plus merveilleux des jours. Si tout cela était vrai, qu'il vienne vite m'expliquer à quoi il veut jouer. Est-ce donc à moi qu'il ment? Est-ce à elle qu'il dit vrai? Laquelle aime-t-il vraiment? Qu'il choisisse entre elle et moi une bonne fois. Oh, savoir à qui il ment, qui aime-t-il vraiment? Savoir à qui il ment, qui aime-t-il vraiment? J'étais meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand. Merci d'humiliation, de haine, d'ignorance, oui, de rêve, de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences, l'arbre au milieu d'un torrent. J'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste. Aurais-je eu la force envers et contre une, de trahir tant une main? Si j'étais né blanchi, Richard Johannesburg, de le pouvoir et la peur. Ne sera comme avant. On sera jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventes, caché derrière nos apparences. L'âme d'un brave, d'un complice, d'un bourreau. Plus que